ni nom de l'enclos au même. 1699. Votre lettre m'a rempli de désirs inutiles dont je ne me croyois plus capable. Les jours se passent, comme disoit le bonhomme des Yvetot, dans l'ignorance et la paresse, et ces jours nous détruisent et nous font perdre les choses à quoi nous sommes attachés. Vous l'éprouvez cruellement. Vous disiez autrefois que je ne mourrois que de réflexion. Je tâche à n'en plus faire et à oublier le lendemain le jour que je vis aujourd'hui. Tout le monde me dit que j'ai moins à me plaindre du temps qu'un autre. De quelque sorte que cela soit, qui m'auroit proposé une telle vie, je me serois pendu. Cependant, on tient à un vilain corps comme à un corps agréable. On aime à sentir l'aise et le repos. L'appétit est quelque chose dont je jouis encore. Plût à Dieu de pouvoir éprouver mon estomac avec le vôtre et parler de tous les originaux que nous avons connus, dont le souvenir me réjouit plus que la présence de beaucoup de gens que je vois, quoi qu'il y ait du bon dans tout cela, mais, à dire le vrai, nul rapport. M. de Clérambault me demande souvent s'il ressemble par l'esprit à son père. « Non, lui dis-je, mais j'espère de sa présomption qu'il croit ce nom avantageux, et peut-être qu'il y a des gens qui le trouveront. » Quelle comparaison du siècle présent avec celui que nous avons vu. Vous allez voir Madame Sandwich, mais je crains qu'elle aille à la campagne. Elle sait tout ce que vous pensez d'elle. Madame Sandwich vous dira plus de nouvelles de ce pays-ci que moi. Elle a tout approfondi et pénétré. Elle connoît parfaitement tout ce que je hante et a trouvé le moyen de n'être point étrangère ici.